te baisser. Pas grave, elle, elle t'a pas oublié. Je l'ai crafté à la sueur de mon farm, posé là comme une reine dans son dôme. Elle parle peu, mais quand elle parle, c'est pour graver ton pseudo dans la zone. Chaque fois que j'entends le clic du scone, je souris parce que je sais que t'as merdé. Une seconde de trop, t'es dans son plan, et le loot, il va finir bien rangé. La tour, elle n'oublie jamais, mec. Tu peux bill, bill, bill, elle check. Tu veux test, vas-y, monte l'escalier. Trois bastos dans le dos et t'es allongé. La tour, elle n'a pas d'amis. Elle vise, elle juge, elle dit merci. Radarski la nourrit, la chérie. Et toi, t'es juste un nom dans son historique. Elle dort jamais, elle rôde des balles. Pendant que moi, je fais la sieste sous les palmiers. Même af que je fais des kills banals. Juste grâce à son amour calibré. Et toi, te reviens en short et confiance. Te dis, je vais y aller vite, je connais l'entrée. Mais t'as oublié la danse, la distance. Elle, non, et tu vas vite t'en rappeler. La tour, elle n'oublie jamais, frérot. Tu responds, tu retournes tes KO. Y'a pas de glitch, pas d'erreur dans ses yeux. Juste une visée parfaite et un adieu. La tour, elle t'a déjà scanné. Ton pseudo, ton slip, ta clé. Redeskill rigole dans le fond pendant que tu supplies devant le canon. Ça qui tombe. La tour elle n'oublie jamais, Riders Kill non plus. Chaque mort est un cadeau, chaque bruit une vue. Tu veux stream snipe, ok fais-toi plaisir. Ma base est un concert et t'es juste un test. La tour elle c'est l'âme du riste. Elle parle avec des balles, pas avec du trust. Alors t'approches pas comme un touriste. Ici même les tourelles sont des artistes.